Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Camille Lorrain, père de la psychiatrie moderne au Québec. Cette postface que vous, dont vous parliez tout à l'heure a créé une véritable révolution dans le monde de la psychiatrie au Québec et, comment dire, a amené la commission Bédard, comme vous le savez. Et ça, ça a complètement révolutionné le traitement de la psychiatrie au Québec. On est passé de l'âge de pierre, si on veut, à un âge un peu plus moderne. La postface dont parle Jean-Claude Picard, l'auteur de la biographie Camille Lorrain, L'homme debout, à l'émission J'ai souvenir encore en 2004. Cette postface, donc, du livre de Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours, qui est publié en 1961, c'est la postface de Camille Lorrain. C'est lui qui va signer cette postface qui va faire histoire. Camille Lorrain, qui, avant de devenir ministre et père de la célèbre loi 101, a d'abord été, donc, l'un des pères de la psychiatrie moderne au Québec. Je pense que, précisément à cause des progrès de la science, nous sommes mieux en mesure aujourd'hui de faire un dépistage précoce et exhaustif de la maladie mentale. Je suis convaincu que dans les âges qui nous ont précédés, il y a beaucoup de maladies mentales qui sont restées ignorées. Par contre, je crois que les conditions de notre civilisation actuelle ont augmenté les chances de maladies mentales. Parce que notre société est de plus en plus fortement organisée, hiérarchisée. Les groupes sont devenus de plus en plus complexes. Et à l'intérieur, la vie à l'intérieur de chaque groupe devient de plus en plus difficile, implique des relations interpersonnelles nombreuses et difficiles. À cause de cela, je crois que les chances qu'a un individu de faire une maladie mentale, ou plutôt un trouble émotif quelconque, de nature névrotique ou psychotique, ont augmenté. Camille Lorrain, en entrevue avec Wilfrid Lemoine à l'émission Premier plan en octobre 1959, pour nous parler du rôle fondamental que va jouer Camille Lorrain dans le développement de la psychiatrie au Québec avant de se tourner vers la politique active dans les années 70. Je reçois Alexandre Tlin, qui est philosophe et historien de la santé, chercheur postdoctoral à l'Université Laval. Alexandre Tlin, bonjour. Bonjour. C'est vrai, évidemment, que quand on prononce ce nom, celui de Camille Lorrain, c'est d'abord au politicien qu'on pense, au père de la loi 101, mais c'est du psychiatre dont vous voulez nous parler aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi une émission sur le psychiatre Camille Lorrain? Alors, déjà, il me semblait que les 20 ans de la mort de Camille Lorrain étaient un bon moment pour venir parler de Camille Lorrain, parce qu'on connaît très bien donc, le père de la loi 101, mais on connaît très mal le psychiatre. Et pourtant, la carrière de Camille Lorrain a été entièrement psychiatrique. Il a été psychiatre avant d'être politique, et il a été psychiatre après d'être politique. Et peut-être que sa politique est aussi inspirée par la psychiatrie. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, peut-être. Et c'est aussi, et c'est vrai qu'on le sait moins, mais une figure majeure de la psychiatrie moderne au Québec. Oui, vraiment, parce qu'il a contribué activement, il a été un des moteurs de beaucoup de transformations de la psychiatrie, à la fois sur le plan scientifique, donc des compréhensions de la maladie mentale, mais aussi de l'organisation du système de soins et du système de prise en charge de la maladie mentale, notamment au début des années 60. Avec une poignée d'autres, ils étaient très peu nombreux à un moment où le Québec est... quand Camille Lorrain commence à s'intéresser à la psychiatrie, c'est la grande noirceur, sans faire de mauvais jeu de mots, mais sur le plan de la psychiatrie au Québec. Là. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots, parce qu'on a parlé aussi de révolution tranquille de la psychiatrie après le travail de Camille Lorrain. Mais en effet, dans les années 40, la psychiatrie au Québec est encore assez peu développée. Il n'y a pas vraiment de département de psychiatrie qui enseigne la psychiatrie. On ne forme pas de psychiatres, notamment à l'Université de Montréal, où il va falloir attendre la fin des années 40 pour qu'on commence à former des psychiatres. Donc on a des médecins qui travaillent autour des gens qui ont des problèmes de maladie mentale, mais il n'y a pas encore vraiment de psychiatrie à proprement parler. Alors, dans ce contexte-là, comment Camille Lorrain décide-t-il de se tourner? Il n'y a rien de se tourner vers la psychiatrie. Alors, on sait, grâce au travail de M. Picard qu'on entendait tout à l'heure, que Camille Lorrain était destiné à être un prêtre et qu'il a abandonné la prêtrise. Alors, peut-être parce que les conditions du séminaire étaient un peu trop rigides pour lui, la discipline. Peut-être aussi parce qu'il avait d'autres enjeux. Et en tout cas, il a dit avoir retrouvé cette même humanité dans la médecine qu'il avait peut-être été cherché dans la prêtrise. Et donc, il s'engage dans des études médicales au début des années 1940 à l'Université de Montréal. Et assez vite, il va s'orienter vers la psychiatrie. Alors, les histoires, les anecdotes racontent que, et notamment certains de ses collègues de l'époque racontent que peut-être il était un petit peu trop frileux vis-à-vis des cadavres et vis-à-vis de toucher les corps, et que ce serait orienté pour cette raison-là vers la médecine de l'esprit plutôt que vers la médecine du corps. Peut-être aussi, et on pourrait tirer cette ficelle-là, qu'il retrouve quelque chose de religieux, quelque chose de la prêtrise dans ce travail de l'esprit, dans ce soin des âmes qu'est la psychiatrie également. En tout cas, il commence à se former en psychiatrie à l'Université de Montréal dans les années 40. Mais évidemment, comme il n'existe à peu près aucune formation au Québec à ce moment-là, en français, il doit s'exiler, il doit partir poursuivre ses études ailleurs. Il va donc séjourner aux États-Unis et en France. Parlez-moi un petit peu de ce séjour à l'étranger de Camille Lorrain pour parfaire justement sa formation. Ouais, alors c'était assez classique aussi de la part des médecins psychiatres ou autres d'aller se former à l'étranger, c'était assez traditionnel, mais en effet en psychiatrie francophone, parce que du côté anglophone c'était un petit peu différent à l'époque, mais Gill offrait déjà une formation psychiatrique complète, pour les francophones c'était pas le cas, et donc même si Camille Lorrain est arrivé au tout début de l'embryon de la psychiatrie à l'Université de Montréal, donc il a profité des premiers cours pour pouvoir se spécialiser, il fallait qu'il parte à l'étranger. Il l'a aussi fait parce qu'il voulait poursuivre sa carrière en psychanalyse. Et que la psychanalyse, à la fin des années 40, début des années 1950, à Montréal, c'était pas très bien vu. Ouais. Donc il part à Boston, il part au Massachusetts pour se former à la fois à la psychanalyse, mais aussi à une autre approche de la psychiatrie, parce qu'à ce moment-là, le Massachusetts, puis depuis plusieurs décennies, est un lieu où on prend en charge différemment les malades. C'est là où est née l'hygiène mentale. Donc, cette idée qu'on pouvait prendre en charge les malades, non pas forcément à l'asile, mais peut-être plus dans la communauté. Et donc, on a des hôpitaux, comme l'hôpital de Boston, qui offrent des prises en charge pour les malades mentaux qui sont différentes de ce qui se fait ailleurs, et notamment de ce qui se fait au Québec. Donc, c'est ça qui attire Camille Lorrain à Boston. Et il est très heureux là-bas, le peu de temps qu'il y passe. Le peu de temps parce que, malheureusement, la guerre de Corée va l'obliger à fuir les États-Unis. Pour des raisons administratives, le gouvernement américain va demander à Camille Lorrain, qui travaille pour l'hôpital de Boston, qui est salarié, de devoir faire son service militaire pour rentrer comme militaire pendant la guerre de Corée, ce qui n'intéresse pas vraiment Camille Lorrain. Et donc, il est arrivé en 1951 à Boston. Il va rester une année et demie, presque deux ans. Et puis en 1953, il se retrouve à Paris. Il a tiré des ficelles, il a réussi à avoir des financements grâce à Wilbrod Bonin, notamment le doyen de l'Université de Montréal, qui l'aide et qui lui donne de l'argent. Donc il arrive à avoir des bourses pour se retrouver à Paris, où il va pouvoir et poursuivre sa psychanalyse et sa formation de psychanalyste, et en même temps continuer sa formation de psychiatre. Avec on le subventionne, mais on lui dit aussi ouvre les yeux tout grand parce qu'on veut savoir comment se développe l'enseignement de la psychiatrie en Europe. Il y a cette idée de développer un enseignement qui se tienne debout au Québec. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce parcours-là et dans le parcours de Lorrain, c'est que dès le départ, il a une mission. Les responsables de la psychiatrie à Montréal et de la médecine, donc Bonin et puis Fernand Côté aussi qui s'occupe de la psychiatrie à l'Université de Montréal, vont lui donner la mission de dire bon. Va voir comment ça se passe à Boston, va voir comment ils travaillent. Puis quand tu te retrouves à Paris, va voir comment on travaille en Europe, comment se fait la psychiatrie. Parce que nous, on aimerait qu'à Montréal, il y ait un centre psychiatrique important francophone. Ouais. Et donc, il est un peu envoyé en messager, il est un peu envoyé en enquêteur pour essayer de voir comment on pourrait créer une psychiatrie d'avant-garde à Montréal en français. Alors, il revient à Montréal en février 57. Qu'est-ce qu'il attend à son retour au pays? Alors, un plateau d'argent, j'allais dire, tout lui est servi sur un plateau d'argent. Quand il rentre, on lui a presque déjà promis un emploi dans ce qui est alors un centre de formation important de Montréal, qui est l'Institut Albert Prévost. Donc, il y a un institut de neurologie qui a été repris ensuite par deux infirmières et qui s'est imposé au fur et à mesure des années 40 comme l'un des principaux centres de soins, mais aussi de formation psychiatrique de Montréal. Et donc, on le reçoit à ce poste-là où il obtient, dès qu'il rentre, un poste de psychiatre à plein temps dans cet institut-là, qui est lié à l'Université de Montréal, où il va aussi très rapidement réenseigner en lien avec la clinique qu'il fait à Albert Prévost. Et puis, dès la fin de l'année 57, donc quelques mois seulement après qu'il soit rentré à Montréal, le directeur scientifique de Albert Prévost, Carl Stern, le célèbre psychanalyste Carl Stern, démissionne pour des raisons peut-être de mauvaises relations avec Camille Lorrain, mais c'est à éclaircir. En tout cas, Camille Lorrain prend son poste, se retrouve à la direction scientifique d'Albert Prévost, qui est un poste important. Et en même temps, quelques mois plus tard, au début de 1958, Fernand Côté va lui aussi démissionner de l'enseignement de la psychiatrie à Montréal, à l'Université de Montréal. Et donc, Camille Lorrain va se retrouver à la tête, à la fois du plus important institut, à la fois à la tête de l'enseignement à l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment très, très rapidement une vedette de la psychiatrie au Québec. Il a 35 ans et c'est... Et il est partout, à la télé, à la radio, pour parler de cette nouvelle discipline, cette discipline qui se développe ici, chez nous, pour en dire quoi? Qu'est-ce qu'il a comme vision de la psychiatrie quand il est sur toutes ces tribunes sur lesquelles il sera? Alors c'est sûr qu'il a une mission, Camille Lorrain. Il s'est donné une mission, il se l'est donné à Paris, il se l'est donné à Boston, dans la suite de la mission qu'on lui avait confiée, c'est de transformer la psychiatrie québécoise. Il faut s'arranger sur les mots, c'est-à-dire que la psychiatrie n'existe pas à proprement parler dans le sens où il n'y a pas de formation de psychiatre, mais il y a des gens qui s'occupent des malades mentaux depuis très longtemps, qui sont des médecins, qui sont des scientifiques, qui font de la recherche. Ça existe depuis plusieurs décennies, depuis le milieu du 19e siècle. Mais en effet, à ce moment-là, ça manque d'une impulsion, pour notamment la psychiatrie francophone, et c'est Camille Lorrain qui va donner cette impulsion-là. Lui, son idée, c'est un peu une idée qui est répandue dans le monde entier à cette époque-là, c'est de dire la maladie mentale, c'est une maladie comme les autres. Ouais. Donc elle devrait être soignée comme les autres maladies, sous-entendu pas forcément en enfermant les gens dans des asiles, mais peut-être à l'hôpital général, en ambulatoire, c'est-à-dire des patients qui rentrent et qui sortent. Et en tout cas, il faudrait déstigmatiser cette maladie-là, parce que ça permettrait de mieux la soigner. L'ambition de Camille Lorrain en disant ça, c'est aussi de dire la psychiatrie, c'est pas une branche un petit peu extraordinaire ou un petit peu folle de la médecine. La psychiatrie, c'est une science médicale comme les autres sciences médicales. Ouais. Et on peut aussi bien soigner les maux de ventre que les maux de tête. Et en fait, il faut que ce soit la même chose. Et dans un environnement qui ressemble à ce que doit être un hôpital, parce que c'est vrai que quand on parlait de santé mentale à cette époque-là au Québec, l'environnement dans lequel se retrouvaient ces gens ressemblait plus à des prisons, certaines fois en tout cas, qu'à des hôpitaux. Il y aura dans cette grande mouvance, dans cette petite révolution tranquille qui se prépare en psychiatrie au Québec, la publication d'un ouvrage important. On l'évoquait au tout début de l'émission, cet ouvrage de Jean-Charles Pagé, « Les fous crient au secours ». Camille Lorrain donc va signer la postface de cet ouvrage-là, et cette postface et cet ouvrage vont vraiment créer un tsunami au Québec. On écoute d'abord, on en parle dans un instant, de l'impact que ça aura, cet ouvrage-là, mais on écoute d'abord son auteur, Jean-Charles Pagé, parler de son livre avec le journaliste René Ferron au mois d'août 1961. Par exemple, un cas, entre autres, que je cite, c'est celui d'un patient qui se refusait au traitement de l'insuline et de crainte d'en mourir, comme un autre en était déjà mort. Et puis, le gardien n'a pas pris le temps de le convaincre aucunement. Il lui a encerclé le cou de son bras et l'a serré si bien qu'il a brisé son dentier du bas. Ça, je l'ai vu de mes yeux à 5h30 le matin. Et puis le type criait, se lamentait, il n'avait rien à faire. On l'a emmené dans son lit du dortoir de l'insuline. Et puis on l'a attaché et on lui a donné sa piqûre quand même. Est-ce que, à votre connaissance, ces cas-là sont fréquents? Assez fréquents. Assez pour en parler. Assez fréquents pour en parler. Par exemple, à la salle Saint-Gabriel, j'ai vu un autre cas d'un malade qui était en état de crise, qui était complètement perdu, complètement fou. Et puis on lui a mis la camisole de force, comme ça s'impose à ces moments-là. Puis il se débattait, il s'est roulé par terre, et puis un gardien lui a donné un coup de pied. Mm-hmm. On me comprendra. On vous comprendra, mais j'aimerais que vous soyez quand même plus explicite. On lui a donné, si je vous comprends bien moi, on lui a donné un coup de pied dans une région du corps où c'est particulièrement sensible de le recevoir. Justement, dans les organes génitaux. Extrait assez percutant de ce livre, « Les fous crient au secours », qui est publié en 1961, qui lui aussi sera très, très percutant. Ce livre-là va créer une onde de choc au Québec, Alexandre Etlin. C'est Camille Lorrain, donc, qui signe, on y revient, la postface de ce livre-là. Puis ça va contribuer à l'impact qu'aura le livre. Parlez-moi un petit peu de ça. Quel genre d'impact a la publication de ce livre pour la psychiatrie et la santé mentale au Québec? Donc, c'est Jacques Hébert, l'éditeur des Éditions du Jour, qui vient chercher Camille Lorrain en lui disant « J'ai un témoignage ». Bouleversant d'un malade, j'aimerais que tu fasses la postface de ce texte. Et qui nous raconte ce qu'il a vu. Qui raconte à peu près ça. Donc, il raconte qu'il a été interné pour alcoolisme à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il y raconte les mauvais traitements qu'il a pu voir. Peut-être qu'il a reçu aussi. Il faut dire que Saint-Jean-de-Dieu, il y avait au-delà de 5000 personnes et il y avait quelques religieuses et un ou deux médecins pour s'occuper de tout le monde. Donc, il faut remettre dans le contexte aussi. Et donc, Camille Lorrain, il voit tout de suite l'enjeu. Il voit tout de suite l'enjeu du témoignage qui va lui permettre aussi de soulever les foules, c'est-à-dire qui va lui permettre de lancer la révolution tranquille dans le champ de la psychiatrie qu'il veut lancer en utilisant ce témoignage-là. Donc il fait une postface cinglante, critique, mais en même temps qui est aussi un programme à développer. Et donc l'ouvrage sort en août 1961 et en effet c'est un tsunami dans le sens où tous les journaux vont en parler, les syndicats vont embarquer là-dessus, le clergé, tout le monde va s'y mettre. Parce que aussi Camille Lorrain a prévu son coup, il a prévenu tout le monde, il a préparé le terrain pour que l'apparition de ce livre permette de changer les choses. Donc concrètement, ça va changer les choses, c'est-à-dire qu'en une quinzaine de jours, une vingtaine de jours peut-être, le gouvernement Lesage, le tout nouveau gouvernement Lesage, va se sentir obligé d'intervenir Et donc, il va mettre en place une commission d'enquête qui débute en septembre 1961. Une commission d'enquête pour enquêter sur tous les lieux d'accueil de la psychiatrie et de la santé mentale au Québec. La commission Bédard. La commission Bédard, parce qu'elle est dirigée par un psychiatre de Québec qui s'appelle Dominique Bédard, et dans laquelle il y a Denis Lazur, le pédopsychiatre, et Charles Roberts, qui est un psychiatre de Terre-Neuve, qui est un réformateur de la psychiatrie, lui aussi, au Canada. Et donc, ces trois hommes-là vont enquêter un peu partout, du moins sur le papier, parce qu'il y a des endroits où ils ne se rendent jamais. Puis Camille Laurin écrit beaucoup de comptes rendus aussi pour ce rapport-là, dans lequel il n'est pas pour cette commission dans laquelle il n'est pas membre. Et donc le rapport sort 6 mois plus tard et dénonce des conditions terribles de prise en charge, des manques de moyens, des manques de personnel, un manque de thérapie généralement. Beaucoup de lieux sont des lieux qui se limitent à l'enfermement parce qu'on manque de personnel, parce qu'on manque d'argent, parce qu'on manque de temps. Parce que pour la majorité des lieux d'accueil francophones, c'est encore le gouvernement qui paye pour chaque membre et il manque de l'argent. Ouais. Voilà. Et donc le programme que présente le rapport Bédard va être tout de suite mis en place. Parce qu'on prend les membres du rapport Bédard, les membres de la commission Bédard, et on crée une division des services de santé mentale au ministère pour qu'ils mettent en place les recommandations de leur propre rapport, pour qu'ils commencent à changer les choses, et notamment pour qu'ils commencent à désinstitutionnaliser, c'est-à-dire sortir au maximum les malades des asiles et des grands hôpitaux psychiatriques pour essayer de les prendre en charge davantage dans la communauté, davantage dans les hôpitaux généraux. Déconfessionnaliser aussi, je pense qu'on peut dire ça, parce qu'à l'époque, c'est beaucoup les religieux qui gèrent. Parfois, ces immenses centres où se retrouvent les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. En effet, les grands hôpitaux ont été traditionnellement pris en charge par les communautés religieuses. Et ça va être aussi l'occasion d'un amalgame qui est un petit peu celui de la Révolution tranquille, de dire les choses se passent mal en psychiatrie, c'est les religieux qui s'occupent de la psychiatrie, donc c'est la faute des religieuses. Puis c'est un peu ce que veut faire aussi Paget dans son livre. Alors évidemment, les choses sont plus compliquées, mais en effet, on va en profiter pour retirer la responsabilité des hôpitaux aux communautés religieuses, pour la remettre dans les mains de l'État. Ouais. On est aussi dans une période de sécularisation qui va au-delà de la santé mentale et qui dans tout le champ de la santé. Et donc, c'est ça qui va se passer aussi. C'est la victoire des psychiatres, c'est l'affirmation de cette profession-là dans le réseau de la santé, très concrètement. Oui, et Camille Laurin, c'était son but dès le départ, de dire si la santé mentale est une science, la médecine mentale est une science, si la psychiatrie est une science, les psychiatres doivent s'occuper de la santé mentale, donc c'est pas aux religieux de s'occuper des hôpitaux psychiatriques. Dans Bourgette, une différence de 341 voix sépare le candidat péquiste Laurin, qui est en tête, du candidat libéral Baudry. 9389 à 9048. Je voudrais féliciter, en notre nom à tous, ceux qui ont réussi cette première percée spectaculaire. L'Assemblée nationale va commencer, grâce à eux, à pouvoir porter son adjectif convenablement. Si c'est confirmé jusqu'à la fin des résultats, ça veut dire qu'au point de vue du vote des citoyens, s'installant un à un dans les isoloirs et prenant par leur vote une option sur l'avenir du Québec, c'est nous qui sommes le parti de l'opposition officielle dans la population. Le chef du Parti québécois, René Lévesque, le soir de l'élection du 29 avril 1970. Ce soir-là, le Parti québécois recueille 23 % du vote, mais termine au quatrième rang en nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et parmi cette poignée de députés élus pour le PQ, on va retrouver Camille Laurin. Parlez-nous un peu, Alexandre Klein, de ce passage de Camille Laurin de la psychiatrie à la politique. Comment il glisse vers le monde politique et vers la politique active? Ça se passe quoi, à la fin des années 60? Presque au milieu des années 60, Camille Laurin a mis en place beaucoup de choses en psychiatrie au début des années 60. Il y a eu des conflits dans son lieu de travail, la commission Régnier. Puis on voit que son intérêt change. Parce que la commission Régnier est créée après la commission Bédard. Et là, vraiment, il a un rôle actif, Laurin. Exactement. Il y a des problèmes de gestion à l'Institut Albert Prévost. Camille Laurin est fâché avec les deux infirmières qui s'occupent de cet institut-là. Et donc, il va pousser le gouvernement à mettre en place une commission d'enquête pour tasser, on ne peut pas le dire autrement, les deux infirmières qui sont à la tête de cet institut-là. Mais malheureusement, les psychiatres qui sont mis à la tête vont ensuite lui notamment, vont mal gérer la chose. Ouais. Bref, ça tourne un peu au vinaigre. Donc lui s'oriente vers autre chose tranquillement. Et à partir des années, du milieu des années 60, il va commencer à s'impliquer plus activement dans la politique. Notamment entre 66 et 68, il va se rapprocher de René Lévesque, qui trouve un personnage charismatique et dans lequel il se retrouve. Et il va adhérer en 1968 au mouvement Souveraineté Association. Ouais. Donc là, c'est vraiment son engagement qui commence. Et il va délaisser alors la psychiatrie peu à peu, en partie du moins. En partie parce qu'effectivement, durant sa période politique, la rumeur veut, et elle est persistante, que le psychiatre n'est jamais très loin. Même Camille Lorrain lui-même va dire, par exemple, que cette fameuse charte de la langue française, la loi 101, c'est au fond une manière, c'est comme ça qu'il le voyait, une manière de thérapie collective pour les Québécois. C'est avec un sentiment d'émotion et de fierté profonde que j'ai déposé au nom du gouvernement la politique québécoise de la langue française. Le 15 novembre a marqué un moment capital de notre histoire politique. Aujourd'hui, 1er avril 1977, le dépôt de cette politique québécoise de la langue marque un autre moment capital, celui de notre évolution culturelle. Pour le peuple québécois, le dépôt de ce projet de loi, de ce projet de politique linguistique, marque que l'hiver vient de desserrer son étreinte et que sonne enfin l'heure du printemps de notre vie collective. À partir d'aujourd'hui, c'est l'époque de notre maturité qui commence. C'est quand même sur une note politique et autour de cette fameuse loi 101 dont il est le père, Camille Lorrain, que va se terminer cette émission sur le psychiatre Camille Lorrain. Mais il y a un lien. Parlez-nous de ça, de la façon dont il voyait cette loi 101, parce que, je le disais un peu en boutade, mais autant il sera conseillé le psy, au fond, d'une certaine manière, du premier ministre René Lévesque, du conseil des ministres, le psychiatre sera jamais très loin. Et même dans cette démarche de charte de la langue française, le psychiatre n'est pas loin non plus. Non, il y a pour lui quelque chose de la thérapie dans la charte de la loi 101, dans la loi 101, quelque chose de la thérapie pour le peuple québécois qui a vécu des névroses parce qu'il a été dominé, parce qu'il a été affaibli. Donc il y a vraiment une perspective psychanalytique, psychiatrique dans les enjeux politiques et dans le travail politique que fait Camille Lorrain. Mais à l'inverse, Camille Lorrain était aussi un psychiatre politique. C'est-à-dire que, oui, il a contribué à la science psychiatrique un peu, mais il a surtout contribué à la politique en psychiatrie. Il a permis de transformer l'enseignement de la psychiatrie, il a permis de transformer l'accueil des malades mentaux. Acteur de changement. Donc c'est un acteur de changement de A à Z. Et donc on peut lire à la fois sa carrière psychiatrique comme une carrière politique et sa carrière politique certainement comme une carrière psychiatrique également. D'autant que quand il quitte la politique dans les années 80, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à la psychiatrie tout de suite pour ensuite revenir, comme on le sait, un peu plus tard, à côté de Jacques Parizeau. C'était fascinant, ce portrait de Camille Lorrain, avec cet angle très précis, faire ressortir en fait le psychiatre qu'on a un peu étrangement oublié quand on pense à lui. Alexandre Tlain, philosophe, historien de la santé à l'Université Laval, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Et c'est Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.